Ok, alors c'est nickel. Ça tue, mon gars. Ça, c'est du blues. Allô? Allô? Ah, Mathieu, il y a un type qui s'est ramené. Oh, il y a un mec qui rentre dans les serveurs en fait. Il y a une fuine, il a fuiné. Et mon gars, en plus, c'est une batterie, le mec. C'est un batteur. C'est Grigorio. Ah, il est là. Pas du tout. Ah, il est français, énorme. Bah, je sais pas, c'était écrit software, drums. Enfin, moi, sur mon biniou, là, il y a écrit software, drums. Soft qui joue, ok. Bah, de toute façon, on n'a pas de son, donc on n'a pas trop de son. Enfin, même pas du tout. Ah, ok. Ben en fait, nous, on était deux là. Je sais pas si Mathieu est là. Mathieu. Oui, je vous entends. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Ok, Mathieu, ok. Décalé par rapport au temps du métronome, et donc moi je joue au temps du métronome, et du coup lui il peut jouer en même temps.